La nouvelle de la réussite à l'essai d'explosion nucléaire pour l'estimation de la capacité de l'ogive nucléaire nouvellement fabriquée, les travailleurs coréens expriment leur grande émotion. Chung Won-sup, enseignant de l'Université de l'économie nationale, a dit « L'ogive nucléaire étant standardisée, nous pouvons en fabriquer toutes les séries nécessaires avec la technique de production et d'usage de différentes matières de fission. C'est un coup foudroyant aux ennemis. Je sens la fierté de citoyens de la République qui est entré dignement au premier rang des puissances nucléaires. » Choi Kang-ho, scientifique de l'Institut de la mécanique de l'Académie nationale des sciences, a dit que les chercheurs de l'Académie suivront l'esprit créateur des scientifiques et des techniciens du secteur nucléaire dignes de confiance et feront plus d'efforts pour obtenir des réalisations contribuant à la prospérité de la patrie. Park Eun-sul, fondeur du complexe d'acérage de Cholima, a dit comme ce qui suit. Chaque fois que les ennemis intensifient l'hostilité à l'égard de la Corée, notre capacité d'attaque nucléaire est renforcée sensiblement et une plus grande catastrophe nucléaire sera infligée aux États-Unis. L'Empire du Mal ne doit pas oublier cela.